بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذه الجلسة الثانية في التعليق على كتاب صلاة التراويح من صحيح البخاري. Et donc bienvenue aux chers frères et sœurs pour cette deuxième assise dans le commentaire, l'explication et le commentaire du chapitre lié à la prière du Tarawih tiré du livre Sahih al-Bukhari. وقد رأينا في الأسبوع الماضي حديث أي نعم رأينا في الدرس الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري بل أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. On a vu lors du cours précédent, le premier cours, le hadith de Abi Hurairah radiallahu anhu qui a été cité par الشيخان البخاري مسلم, dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi et espérance, ses péchés passés lui seront pardonnés. فالبخاري ذكر هذا الحديث ثم قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك. Et donc البخاري رحمه الله il a cité il a donc cité le hadith et ensuite il a cité la parole d'Ibn Shihab. Ibn Shihab qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et les gens étaient ainsi. Les gens étaient ainsi, c'est-à-dire donc le fait de délaisser la prière du Tarawih ensemble. Le fait de prier, donc chacun priait individuellement ou en petit groupe. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. Et ensuite donc, la situation fut comme telle durant la khilafa, durant le khilafa de Abu Bakr, la période durant laquelle Abu Bakr était le gouverneur, le responsable des croyants. Et aussi au début du khilafa de Omar, radiallahu anhuma. Idan kulna an-nasu ala dhalika ay ala tark al-jama'a. On a dit que la signification de la parole d'Ibn Shihab, lorsqu'il dit que les gens étaient ainsi, c'est-à-dire les gens donc délaissaient la prière de nuit ensemble, c'est-à-dire qu'ils priaient la prière de nuit chacun de leur côté, ou alors en petits groupes. Wa baqiya an-nasu ala dhalika hala khilafati Abi Bakr. Et les gens sont restés ainsi durant le khilafa de Abi Bakr. Qala ba'du ahli al-'ilmi li'anna Abi Bakr kana mashghulan bi hurub al-murtaddin. Et certains gens de science, ils ont dit que Abu Bakr, il était certes occupé par les batailles des apostats. Par les batailles des apostats. Et donc, il ne s'est pas occupé donc de cette prière du Tarawih. Il ne s'est pas occupé de ça, de cela, donc de rechanger la prière de Tarawih et de faire les gens prier tous ensemble derrière un seul imam. ثم بعد ذلك جاء عمر فجمع الناس خلف إمام واحد. Puis après cela, Omar est venu et a rassemblé les gens tous derrière un seul imam. Et ça, on verra ce sujet, on le verra inshallah ta'ala bien en détail bi'iznillah ta'ala. Ensuite, il nous dit l'auteur rahimahullah al-Bukhari, il nous dit wa an ibn Shihab an Urwa ibn Zubayr عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. Et donc ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il nous dit selon nous Shihab, selon Urwat ibn Zubayr, selon Abdurrahman ibn Abdin al-Qari, qui dit, je suis sorti avec Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, une nuit durant Ramadan, vers la mosquée. Et les gens étaient en groupe. Les gens étaient en groupe. Ils priaient donc de façon séparée. Donc un homme qui priait, Yusalli li nafsihi, un homme qui priait seul. Et, ou alors un homme qui priait, il y avait derrière lui un petit nombre, entre 3 et 10, qui priait derrière lui. Omar a alors dit, radiallahu anhu, certes, je vois le fait de rassembler tous ces gens-là derrière un seul récitateur. Derrière un seul récitateur. Et je vois que le fait de faire cela est meilleur. Je vois que si je rassemble tous ces gens-là derrière un seul récitateur, ça sera meilleur. Puis, il les a tous rassemblés derrière Ubay ibn Ka'b. Alors ensuite, il dit... Alors, je suis sorti avec lui, donc avec Omar. Je suis sorti avec lui une autre nuit. Et les gens priaient tous derrière leur récitateur. Ils priaient tous derrière, donc, leur récitateur. Avec la récitation de leur récitateur. Donc, ils priaient tous derrière un seul imam. Omar a dit, quelle bonne innovation que celle-ci. Et certes, celle qu'ils accomplissent, donc cette prière, celle qu'ils accomplissent, après, donc, celle qu'ils accomplissent après avoir dormi est meilleure. Celle qu'ils accomplissent après avoir dormi est meilleure. Il veut par cela la prière, donc, faite à la fin de la nuit. Mais les gens priaient au début de la nuit. Il y a dans ce hadith beaucoup de points importants à noter, inshallah ta'ala. Donc, premièrement, lorsque Al-Bukhari nous dit selon nous Shihab, An ibn Shihab. Et donc, Al-Bukhari n'a pas cité le début de la chaîne de transmission ici. Cependant, ce même hadith a été cité donc avec la chaîne de transmission complète et authentique. Et aussi d'ailleurs, ce même hadith a été cité aussi dans le Muwatta de l'imam Malik. Dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. Naam, le deuxième point ici, la parole de Omar radiallahu anhuma, inni ara, law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lekana amthal. La parole de Omar radiallahu anhu, lorsqu'il dit, certes, je vois que si je rassemble tous ces gens derrière un seul imam, cela aurait été mieux ou meilleur. فرأى عمر أن الصلاة أي صلاة الناس خلف إمام واحد أفضل. Et donc Omar, il voit que les gens lorsqu'ils sont réunis derrière un seul imam, cela est meilleur. ولعله أخذ ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في أول رمضان أو جمع الناس في رمضان أولا ثم ترك ذلك خشية Et il se peut que Omar, radiallahu anhu, il ait pris cela, ce jugement qu'il a cité, donc le fait que les gens prient derrière un seul imam, c'est meilleur. Il se peut que Omar, il ait tiré cela du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début, il a prié avec les gens. Il a fait le tarawih, il a fait la prière, donc le qiyam, l'ayl, avec les gens durant Ramadan. Durant plusieurs nuits, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé cela par crainte que cet acte ne soit rendu obligatoire à la communauté. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى تغيير الحكم. Ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, alors on n'a pas craint le changement du jugement, donc le fait que cette prière devienne obligatoire. Et donc c'est pour ça que Omar a donc recommencé le fait de prier tous ensemble derrière un seul imam. ففعل ذلك عمر رضي الله عنه لما فيه من جمع الكلمة. Et donc Omar, il a fait cela. Omar رضي الله عنه, il a fait cela à cause du fait que par cet acte, on remarque bien donc le fait l'union. On remarque bien l'union donc جمع الكلمة, le fait que tous les musulmans sont unis derrière un seul imam. وذكر ابن حجر رحمه الله أن الاجتماع خلف إمام واحد أنشط لكثير من المصلين. Ibn Hajar rahimahullah, il a cité que le fait que les gens se réunissent derrière un imam, cela est préférable pour beaucoup, beaucoup de prieurs. Pour beaucoup de prieurs. وأنتم ترون أن هذا الكلام حق. Et certes, vous voyez, oh chers frères, que cette parole est véridique. تعودت الناس على القيام خلف أئمتهم. Les gens sont habitués à prier derrière leurs imams. وترك كثير من الناس القيام في البيوت. Beaucoup de personnes ont délaissé la prière nocturne à la maison. فالآن مع الحجر الصحي يصعب على كثير من الناس القيام في رمضان. Et aujourd'hui, avec le confinement, il est difficile pour beaucoup de personnes d'accomplir la prière nocturne durant Ramadan. Beaucoup de personnes. وهذا أيها الإخوة ينبغي أن يكون عبرة لنا. Et mes frères, il est convenable que ceci soit une leçon que nous devons tirer. أنت لا تدري هل الرمضان المقبلة ستكون المساجد مفتوحة أو لا. فلما لا تتعود على الصلاة والقيام في بيتك. Et donc tu ne sais pas si le prochain Ramadan, les mosquées vont être ouvertes ou pas. Tu ne sais pas. Alors pourquoi est-ce que tu ne t'habitues pas à prier et à faire la prière nocturne à la maison? Certains, le Ramadan dernier, ils ont vu qu'on était confinés. Ils auraient pu faire les efforts jusqu'à ce Ramadan. Se préparer, etc. Ils auraient pu faire les efforts. Mais non. On s'est dit, c'est bon, l'année prochaine, il y aura un Ramadan à la mosquée. Eh bien non, ça fait 2 années d'affilée. Est-ce que cette année aussi, tu vas retomber dans la même erreur? C'est une leçon que nous devons tirer, oh chers frères. وليعلم أن العلماء قد اختلفوا في صلاة الليل في رمضان أيهما أفضل صلاة الصلاة خلف الإمام أي في الجماعة أو الصلاة فرادى في البيوت. Il faut savoir que les savants ont divergé concernant la prière nocturne durant le mois de Ramadan. Quelle méthode est la meilleure? Est-ce que c'est le fait de prier en groupe à la mosquée, donc derrière l'imam, ou alors le fait que chacun prie à la maison? Est-ce que c'est le fait de prier à la maison qui est meilleur? فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الأفضل صلاة الرجل في بيته أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أخرجه البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. Et donc il y a un groupe de savants, il y a un groupe de gens de science qui voient que ce qui est meilleur, c'est le fait que l'individu prie chez lui. Ce qui est meilleur, c'est que l'individu fasse la prière nocturne à la maison. Pourquoi? On se base ici sur la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure prière de l'individu est sa prière chez lui, sauf pour les prières obligatoires. La meilleure prière de l'individu est sa prière chez lui, sauf pour les prières obligatoires. C'est un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari selon Zayd ibn Thabit. وهذا القول رواية عن الإمام مالك رحمه الله. Et cet avis que je viens de citer, c'est donc un des avis de l'imam Malik رحمه الله dans ce sujet. وذهب الجمهور إلى قول عمر رضي الله عنه أي أن الأفضل الصلاة جماعة. الجمهور il voit, la grande majorité des savants, ils voient que ce qui est meilleur ici, c'est la vie de Omar. Quelle est la vie de Omar? C'est le fait que c'est meilleur de prier tous à la mosquée, donc que les gens prient à la mosquée derrière un imam. Ils voient que, donc la majorité des savants, ils voient que c'est ce qui est meilleur. وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله أكبر. Allah, il nous facilite. Et donc, la preuve de cela, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie derrière son imam jusqu'à ce que celui-ci finisse, alors il lui sera écrit la prière d'une nuit entière. Et donc, la récompense d'une prière d'une nuit entière, durant une nuit entière. Subhanallah. Allah azzawajal, il nous facilite. Il nous facilite, mais est-ce que nous nous saisissons cette facilité? Est-ce que nous nous saisissons cette occasion? وهذا القول هو اختيار الإمام ابن باز رحمه الله تعالى من علمائنا المعاصرين وهو الراجح. Et donc, et cet avis est le choix de l'imam ibn Baz رحمه الله تعالى parmi nos savants contemporains, et c'est l'avis le plus juste, et c'est l'avis le plus juste dans cette divergence. Il y a aussi dans ce hadith le fait que Omar, il a rassemblé toutes les prières derrière Ubay ibn Ka'b. Donc il a nommé donc Ubay ibn Ka'b comme imam pour diriger la prière du Tarawih. Wa qad ra'ayna fi durus at-tafsir anna Ubayyan kana imaman fil qira'ah. On a vu durant les cours de tafsir que Ubay était un imam dans la récitation du Coran. Wa qad ja'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala أمرني الله تعالى أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Et certes, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Ubay en lui disant, certes, Allah m'a ordonné de réciter sur toi لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Surat Al-Bayyina. Ubay, il a répondu à cela, il a dit وسمني, et Allah il m'a cité nommément, il a cité mon nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire na'am. Alors Ubay a pleuré radiyallahu anhu. Il a pleuré donc de joie. Il y a aussi dans ce hadith un point important, la parole de Omar. Lorsqu'il a vu que les gens, après cela, ils furent tous rassemblés derrière un seul imam, Omar radiyallahu anhu, il a dit ni'amal bid'atu hadhihi. Quelle bonne innovation que celle-ci. Fa yuridu bidhalika al-bid'ah. Omar ici, il veut l'innovation dans la langue arabe, pas dans la législation. C'est-à-dire que eux, ils ne le faisaient pas. Eux, ils ne priaient pas tous derrière un imam. Il n'est pas voulu ici que cet acte qu'ils ont accompli est une innovation dans la législation. Il n'est pas voulu ici que Omar a demandé aux gens de faire quelque chose qui n'existait pas. Wa hadhihi al-mas'ala sanaraha bit-tafsil ghadan insha Allah ta'ala. Et ce sujet, on va le voir en détail demain insha Allah ta'ala. Wa al-mas'ala al-ukhra, donc le dernier sujet qu'on va voir aujourd'hui, la parole de Omar radiyallahu anhu lorsqu'il dit donc والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. Et certes, la prière qu'ils accomplissent après avoir dormi est meilleure que celle qu'ils font donc maintenant. Et les gens, donc Omar, il voulait par là la prière à la fin de la nuit, mais les gens, eux, ils priaient en début de la nuit. فيريد عمر رضي الله عنه أن الصلاة في آخر الليل أفضل وهو وقت استجابة. Et donc Omar رضي الله عنه, il veut dire que la prière en fin de nuit est meilleure, la prière surrogatoire, la prière nocturne à la fin de la nuit est meilleure, et c'est aussi un moment durant lequel, ô chers frères, l'invocation est acceptée. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. Et donc, rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Certes, Allah Ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Il dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Voilà, chaque ayyuhal ikhwa, anna hadha fadlun azim. Et certes, mes frères, il n'y a aucun doute sur le fait que cela est un grand mérite, le fait que la personne invoque son Seigneur, invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala en fin de nuit, implore son pardon, elle implore lui demande la facilité et autres. Et certes, il n'y a nul doute sur le fait que ceci est un très grand mérite. Walakin, kawna al-mar yusalli fil jama'a fi awwal al-layli la yamna'uhu min ad-du'a'i fi akhirih. Cependant, le fait que la personne va prier en groupe à la mosquée en début de nuit n'empêche pas que la personne soit aussi réveillée à la fin de la nuit en train d'invoquer son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. On va arrêter là pour aujourd'hui. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder la réussite et de nous faciliter durant ces nuits, de nous faciliter le qiyam et de nous faciliter le siyam, le jeûne pendant les journées de Ramadan, de nous faciliter les actes de piété. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.